السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فإن نحمد الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين الذي يسر لنا هذا المجلس لنتفقه في ديننا ونتعلم شيئا من سيرة علمائنا، فإن هذا الدين مبني على أصلين عظيمين، ألا وهما العلم النافع والعمل الصالح. وقد قيد الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة علماء. Les frères, pour la suite, faites-les entrer, laissez-les pas dans le couloir. Sachez que derrière, c'est le côté des femmes. Naam, derrière, c'est le côté des femmes. Et l'entrée des hommes, c'est devant. Naam, et personne n'entre dans cette salle en passant par derrière. Barakallahu fikum. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grande grâce, nous a légiféré sa noble religion. La seule religion qu'il agrée, l'islam, comme il nous le dit dans le Coran, inna ad-dina 'indallahi al-islam. Et cet islam repose sur de nobles bases et de grandes fondations, parmi lesquelles la science bénéfique et les actions pieuses. Et pour que la communauté ait connaissance de cela, pour que la communauté puisse avancer sur ce bon chemin et adorer Allah Azza wa Jal avec clairvoyance, il a mis dans cette communauté, ou plutôt il a envoyé un messager, qui est Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. Et suite à son décès, Allah Azza wa Jal a préservé sa religion de par ses héritiers, qui sont les compagnons du prophète, alayhi salatu wa sallam. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit wal ulama warathatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes. Wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm. Wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Et certes, les prophètes n'ont légué ni pièce d'or ni pièce d'argent, mais ils ont légué la science. Celui donc qui l'apprend a certes pris une énorme part. Ainsi, Allah Azza wa Jal a préservé sa religion par la présence des savants qui apprennent, mémorisent, comprennent, qui appliquent, puis transmettent. Et parmi ces nobles étudiants, et parmi ces pieux adorateurs, il y a le grand savant Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullahu ta'ala, wa rafa'allahu qadrahu fi a'la al-jannah. Il y a le grand savant Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullahu ta'ala. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de lui accorder sa pitié, sa miséricorde, et de l'élever au plus haut degré du paradis. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, son aide et son assistance, la dernière conférence avait pour thème Siratu al-Allama ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, la biographie du grand savant Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Et ce soir, nous allons étudier une partie de la biographie du plus grand de ses élèves, du plus connu de ses élèves, wallahu a'lam, Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala. Le premier point qu'il convient de savoir, c'est nasabuhu wa maulidu. Premièrement, sa lignée. Naam. Fahuwa rahimahullahu ta'ala Abu Abdillah. Sa kunya est Abu Abdillah, surnommé Shamsuddin. Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub. Il s'appelle Muhammad, fils de Abu Bakr, fils de Ayyub, bin Sa'd, الزرعي ثم الدمشقي، واشتهر بابن قيم الجوزية. Il est plus connu sous l'appellation d'Ibn Qayyim al-Jawziyya. Naam. Sinon, son nom est Muhammad ibn Abi Bakr. Il s'appelle Muhammad ibn Abi Bakr, ibn Ayyub, ibn Sa'd, rahimahullahu ta'ala. Mais il est plus connu sous l'appellation de Ibn Qayyim al-Jawziyya. En d'autres termes, le fils du responsable de l'école Al-Jawziyya, le fils du responsable de l'école, Al-Jawziyya. Et on reviendra sur ce point-là, Inch'Allah. Deuxièmement, Tarikhu wiladatihi wa mahalluha, sa date de naissance ainsi que son lieu. Il est né, rahimahullahu ta'ala, le septième jour du mois de Safar. Le septième jour du mois de Safar, en l'an 691. En l'an 691. Et certains ont cité qu'il est né près de Dimashq ou à Dimashq, donc à Damas. Troisièmement, Ishtuhira bibn Qayyim al-Jawziyya. Famas Sabab, quelle est la cause de son surnom, le fils de Qayyim al-Jawziyya, le fils de Qayyim al-Jawziyya. Qayyim, c'est celui qui a à sa charge cette école, celui qui gère cette école, le responsable, si vous voulez, de cette école. Et d'autres le surnomment Ibn al-Qayyim, directement. Et en réalité, c'est le diminutif de Ibn Qayyim al-Jawziyya. Pour faire plus court, Ibn al-Qayyim, rahimahum Allah. À la kulli hal, la cause, c'est que son père, Abu Bakr ibn Ayyub, rahimahum Allah, était un shir, une personne de science. Il était responsable de cette grande école connue et renommée de Damas. Cette école s'appelle Al-Jawziyya. Et cette cause a été mentionnée par un des célèbres élèves d'Ibn al-Qayyim, qui est le grand mufassir, le grand exégète du Coran, le grand savant Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, dans son livre Al-Bidayat wa al-Nihaya. C'est pour cela qu'il a été surnommé Ibn Qayyim al-Jawziyya. Ibn Qayyim al-Jawziyya. Naam. Et pour faire plus court, il disait, ou certains disaient, Ibn al-Qayyim. Ça, c'est plus chez les contemporains. Et cette école était une des plus grandes écoles chez le Hanabila, dans le Madhab, dans l'étude de jurisprudence de l'imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Quant à Al-Jawziyya, cela fait référence au savant Ibn al-Jawzi. Au savant Ibn al-Jawzi, rahimahullahu ta'ala, Abu al-Faraj, Abdurrahman ibn Ali, qui est décédé en l'an 656. Le père d'Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, Abu Bakr, était un homme pieux. C'est une personne de science. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, l'a décrit en disant « Al-Sheikh, al-Salih, al-Abid, al-Nasik ». Dans le Bidaya wa al-Nihaya, Ibn Kathir, en parlant de son père, a dit « Le noble Sheikh, pieux, dévot, adorateur ». C'est-à-dire qu'il avait beaucoup, on voyait sur lui beaucoup d'adoration. Naam. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a pris la science de son père très tôt, comme à l'habitude des gens de cette époque, et particulièrement à Dimashq. C'était un bain de science. C'était une mer de science, cette ville, à l'époque d'Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Les savants voyageaient du monde entier pour venir chercher la science du hadith, du fiqh, de la langue arabe et beaucoup d'autres sciences. Et Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala avait un frère, ou avait des frères, et parmi lesquels certains, eux aussi, ont étudié. Eux aussi ont étudié. Comme Abdurrahman. Comme Abdurrahman, qui est le petit frère d'Ibn al-Qayyim. Il a 2 ans de moins que lui. On voit donc que c'est une famille pieuse, une famille de science et d'éducation. On trouve dans la lignée d'Ibn al-Qayyim des gens de science. On trouve parmi ses frères, parmi ses enfants, des gens de science. Il y avait aussi, parmi les gens de science, certains de ses enfants à Ibn al-Qayyim, comme Abdullah, Ibrahim, comme Abdullah et Ibrahim. Qui ont causé l'étonnement des gens de leur génération et des savants, de par leur grande intelligence, particulièrement Abdullah, de par sa grande intelligence et sa mémorisation hors du commun. Il a mémorisé Suratul A'raf en 2 jours, par exemple. Il a mémorisé Suratul A'raf en 2 jours et a fini la mémorisation du Coran aux alentours de 9 ans. Aux alentours de 9 ans. Quant à son fils Ibrahim, c'était un savant de la langue arabe, plus particulièrement du nahou, de la grammaire. Il avait une grande science dans le fiqh. Naam. Wa hakadha. À la kulli hal, tout cela pour montrer quoi? Qu'Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala a grandi dans une famille qui baignait dans la science, dans la piété et les nobles caractères. Et cela, Naam, est une éducation qu'on doit connaître et transmettre nous-mêmes. C'est que celui qui souhaite des enfants pieux se doit lui-même d'être pieux. Et celui qui souhaite des enfants qui versent dans la science, qui sont versés dans la science, il doit lui-même aimer la science et la rechercher. Car en effet, l'enfant prend pour premier exemple ses propres parents. Il prend pour premier exemple ses propres parents. Quatrièmement, akhlaquhu. Quels étaient ses comportements, ses traits de caractère? Quels étaient les nobles comportements et caractères de ce grand savant, Muhammad ibn Abi Bakr al-Ma'roub ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahumullah. Kana hasan al-khuluq, latif al-ma'isha. Ils disent de lui qu'il avait d'excellents caractère de noble comportement. Il était doux et kana aliyan al-himma. Il avait une haute détermination dans la recherche et quant à l'obtention de son but. Naam, c'était un homme déterminé qui se reposait que très peu à la course, aux bonnes actions, à la course, à la science, à la course, aux livres et aux savants et aux assises de science. Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, l'a décrit en disant « Kana hasan al-qira'a wal-khuluq, kathir al-tawaddud, la yahsudu ahadan wa la yu'zi. » Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, l'a décrit en disant « Il avait une belle lecture, un bon comportement, et il se faisait aimer des gens. Il n'enviait personne et ne nuisait à personne, rahimahullahu ta'ala. » Un autre de ses élèves, le célèbre savant, yarhamukallah, le célèbre savant Ibn Rajab, surnommé Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullahu ta'ala. C'est également un des élèves d'Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullahu ta'ala. Il dit kana rahimahullahu ta'ala ذَا عِبَادَةٍ وَاجْتِهَادٍ وَطُولِ صَلَاتٍ إِلَى الْغَايَةِ الْقُصْوَى. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala dit de son cheikh Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, c'était un dévot, c'était une personne qui faisait beaucoup d'adoration, énormément d'efforts. Et lorsqu'il priait, sa prière était très longue. Lorsqu'il priait, sa prière était très longue. Je trouve même dans sa biographie que certains venaient le voir pour le conseiller dans sa prière. Tellement il allongeait cette prière, tellement il allongeait l'inclinaison, tellement il allongeait la prosternation. Et lorsqu'il il entrait dans cette salat, c'est comme s'il n'en sortait pas. Rahimahullahu ta'ala. Il priait vraiment longuement et se délectait de par l'évocation et la mention de la parole de son Seigneur et son invocation. Kathir al-dhikr. Naam, il faisait énormément de dhikr. Il faisait énormément de dhikr. Et on trouve certains de ses élèves qui rapportent de lui qu'il s'asseyait après le fajr et il restait jusqu'à arriver au temps de dhuha. Et lorsque le soleil était vraiment levé, il passait à autre chose. Puis il disait, ce moment-là, ces paroles-là, sont mes forces. Naam. Et si je délaisse cette action, alors je n'aurai pas de force. Alors je n'aurai pas de force. Il occupait entièrement son temps et ne laissait pas, il ne se permettait pas de perdre, ne serait-ce qu'un instant. Naam. Et il préparait du jour, de jour comme de nuit, son retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il préparait son retour vers Allah de jour comme de nuit, de par l'adoration d'Allah azza wa jal et la recherche de la science qui fait partie de l'adoration, mais on le spécifie ici. Parmi ses caractéristiques et les choses qu'on lui reconnaissait, qu'on lui connaissait, تظهر علي آثار محبة الله سبحانه وتعالى. Était apparent sur lui les signes de l'amour qu'il portait à son Seigneur. Naam. Était apparent sur lui les signes de l'amour qu'il portait à son Seigneur. Et lorsqu'il parlait de ce domaine-là, naam, il vivait cela d'une manière intense, au point où celui qui lit ses livres, naam, arrive à penser qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ne connaît que ce sujet-là. Ne connaît que ce sujet-là. Il te parle de l'amour d'Allah, de la considération du Seigneur immense. Naam, tu en arrives à penser qu'il ne connaît que ce domaine et qu'il ne connaît que ce sujet. كثير الإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله والانكسار له والإطراح بين يدي على عتبة عبوديته. ثم قال ولم أشهد مثله في ذلك ولا رأيت أوسع منه علما ولا أعرف معاني القرآن بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان أعلم منه وليس هو المعصوم ولكن لم أرى في معناه مثله. Puis Ibn Rajab rahimahullah ta'ala continue, il dit, après avoir parlé de son amour qu'il avait pour son Seigneur, il dit qu'il, il cite ses différentes adorations comme el-inaba. El-inaba, c'est proche de tawba, du repentir. C'est le retour vers Allah, en délaissant les péchés et en accourant vers Allah Azza wa Jal et les causes de sa miséricorde. Ça, c'est el-inaba. Ou al-istighfar, il faisait beaucoup d'istighfar. Il demandait à Allah de lui pardonner, de cacher ses fautes. Puis il nous cite des points de ce qu'on appelle l'ubudiyya, naam, la servitude, l'état de l'adorateur devant son Seigneur et lorsqu'il l'adore. Il nous dit waliftiqari ila Allah walinkisari la. Naam, il montrait son besoin devant son Seigneur, il s'humiliait, s'avilissait devant son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Il se fragmentait devant lui, s'humiliait devant lui et il se jetait devant lui sur le pas de la porte de la servitude. Sur le pas de la porte de la servitude. Tout ça pour dire qu'il était humble devant son Seigneur, qu'il était humilié devant son Seigneur et qu'il s'adonnait à son adoration. Ibn Rajab nous dit, je n'ai jamais vu pareil que lui. Je n'ai jamais vu pareil que lui dans ce domaine-là. Je n'ai jamais vu pareil que lui dans ce domaine-là. Et je n'ai jamais vu une personne ayant une science plus vaste dans la connaissance des sens du Coran et de la Sunna et des profondeurs des sens de la foi plus savant que lui. Et non, je ne dis pas qu'il est infaillible. Et ça, c'est le juste milieu chez les savants de la Sunna. Après avoir fait tous ces éloges, il dit non, il n'est pas infaillible. Non, il n'est pas infaillible. Seul le prophète, alayhi salatu wassalam, l'est, comme vous le savez tous. Mais dans la pratique au quotidien, non, c'est là où les gens sont éprouvés. Donc, mais non, il n'est pas infaillible. Mais dans ces sens évoqués précédemment, je n'ai moi jamais vu semblable à lui. Sa parole s'arrête ici. Les savants ont également dit qu'il a avalé la sira du prophète alayhi salatu wassalam. Le sens de ça est que quand tu regardes sa vie, son comportement avec ses amis, avec ses bien-aimés, mais aussi avec ses ennemis, on dirait qu'il retranscrit, on dirait qu'il reproduisait la sira du prophète alayhi salatu wassalam. À titre d'exemple, dans Madarij al-Salikin, un de ses livres, il nous dit وَمَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ ثُمَّ جَاءَ يَعْتَذِرُ مِنْ إِسَاءَتِهِ فَإِنَّ التَّوَاضُعَ يُوجِبُ عَلَيْكَ قَبُولَ مَعْذِرَتِهِ حَقًّا كَانَ أَمْ بَاطِلًا. Il dit, rahimahullah, celui qui t'a causé du tort, puis il vient à toi pour s'excuser de ses fautes commises envers toi. Certes, le caractère humble de l'homme le pousse, na'am, ou le force à accepter, na'am, ses excuses. Le pousse ou le force à accepter ses excuses, qu'elles soient justes ou fausses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Puis il ajoute, wa takilu sariratahu ila Allah ta'ala kama fa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi al-munafiqin alladhina takhallafu anhu fi al-ghazw. Il dit, tu acceptes ce qui est apparent d'eux et tu abandonnes leur intérieur à Allah. Tu abandonnes leur intérieur à Allah, comme l'a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec les hypocrites lorsqu'ils ne l'ont pas accompagné dans son armée. Dans une célèbre bataille, les hypocrites n'ont pas participé à cette bataille. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est revenu, ils ont prétexté de fausses excuses. Le prophète alayhi salatu wassalam a accepté ce qui était apparent d'eux et il a abandonné leur affaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Le cinquième point, ibadatu, sa dévotion et l'adoration qu'il pratiquait pour son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Celui qui lit les livres d'Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala voit que c'est un imam de la sunna, c'est un imam dans la science et dans la mise en pratique de la science. C'est un imam dans la science et dans la mise en pratique de celle-ci. Et lorsque tu lis ses livres, tu vois, il s'en faut de peu pour que tu perçoives son cœur rempli de la servitude d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seul Allah connaît le contenu de cela. Mais ce qui est apparent et ce qui ressort de ses écrits, c'est que son cœur était rempli de servitude envers son Seigneur. Tant d'amour, d'immensification. Il se montrait humble et humilié devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il décrivait son Seigneur par la perfection et les attributs les plus sublimes. Et il se décrivait lui-même comme un pécheur, un fautif, une personne injuste envers son âme. Or, qu'il a rempli sa vie et ses heures et son temps, comme on le voit de par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, la recherche de sa science, sa mise en pratique et sa transmission. Il était énormément mutawadi, il était très humble, rahimahullahu ta'ala. Il occupait énormément son temps par la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faisait beaucoup de dua et de supplications. Et en effet, l'intelligent parmi nous est celui qui prépare son au-delà, qui remplit son bas-monde en semant l'adoration pour récolter les récompenses dans l'au-delà. Wala hawla wala quwwata illa billah. C'était donc un homme, depuis son jeune âge, qui passait son temps dans la science, la mémorisation, sa compréhension, les assises de science, la mise en pratique et l'adoration d'Allah Azza wa Jal, et le mentionnait énormément. Le sixième point, marhalatu talab, sa période lorsqu'il recherchait la science. Et en réalité, sa vie est une recherche de science, mais à différents degrés. فهو رحمه الله تعالى طلب العلم منذ نعومة أظفاره الظاهر أنه بدأ في الطلب وهو ابن سبع سنين. Ce qui est apparent, c'est qu'il a commencé à étudier à l'âge de 7 ans. C'est qu'il a commencé à étudier à l'âge de 7 ans. Et il s'est distingué dans beaucoup de sciences. Et lorsqu'on parle de grands savants, dans cette époque-là, et qu'on dit qu'il s'est distingué, c'est pas comme à notre époque. À notre époque, peu est la volonté des gens de devenir des savants. Peu sont les gens qui ont pour but premier de percer dans ce domaine-là. Or qu'à l'époque d'Ibn al-Qayyim, dans la ville d'Ibn al-Qayyim, c'était un centre comprenant énormément de savants, et les gens voyageaient du monde pour venir à Dimashq. Car il y avait les plus grands savants du Madhab Hanbali, par exemple. Et il y avait énormément de sciences. Sans compter la période après laquelle Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala est revenu de Misr. Alors là, les gens voyageaient de partout pour venir rencontrer ce shir. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala lui-même, alors, comme on le verra, lorsqu'il est revenu de Misr, s'est accroché à Ibn Taymiyyah et il ne l'a plus jamais lâché. Il a puisé sa science jusqu'au décès d'Ibn al-Taymiyyah en prison. Et lui-même était enfermé, n'a pas pu participer à sa salat dinaza, car il a été relâché qu'après le décès d'Ibn al-Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Il est donc resté avec lui, si mes souvenirs sont bons, 16 ans, sans le quitter. Pendant 16 années, il a puisé sa science, rahmatullahi alayhi. Donc il a commencé à étudier à 7 ans. Il a percé dans de nombreuses sciences, particulièrement l'aura, la langue arabe. Il aimait beaucoup cette science et s'est devenu un savant du Nahu, par exemple. C'est devenu un grand savant de la grammaire arabe. Il a atteint un énorme niveau dans la grammaire alors qu'il n'avait pas dépassé 20 ans. Rahimahullahu. Il a étudié et pris la science des savants de son époque. Al-fiqh, al-hadith, le tafsir, al-fara'id, al-usul et beaucoup d'autres matières, rahimahullahu ta'ala. Ibn Rajab, un de ses élèves, a dit de lui qu'il est resté avec Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, et a pris de lui de nombreuses sciences islamiques. Il était savant des paroles du tafsir, de l'exégèse du Coran. Et dans ce domaine, personne ne l'égalait. Dans le tafsir du Coran, Ibn Rajab dit d'Ibn al-Qayyim, personne ne l'égalait. Un point qu'on remarque dans sa biographie, c'est qu'il n'a pas été connu pour voyager beaucoup à la recherche de la science de pays en pays, comme ce fut le cas pour d'autres chez les savants. Mais les savants de l'islam ont justifié cela. En disant que lui, il se trouvait sur la terre des savants. C'est pour ça qu'il n'a pas voyagé. Parce que la base, c'est de prendre la science des savants du pays avant de partir à l'extérieur. Et lui, Naam, n'a pas fini de puiser la science qui se trouvait à Dimashq. C'est la raison pour laquelle, Naam, c'est une des raisons pour lesquelles il n'a pas eu, dans un premier temps, à voyager. Sans compter les différentes épreuves par lesquelles il a été touché, comme ses emprisonnements suite aux prises de position et au fait, Mada, de mentionner la vérité qu'il avait, Mada, dans des questions religieuses. Naam, mais en contradiction avec l'avis de certains savants de son époque, ce qui lui a valu par la suite d'être emprisonné à plusieurs fois, rahimahullahu ta'ala. Il apprit la science pour commencer de son père, Abu Bakr ibn Ayyub ibn Sa'd, Naam, qui était surnommé Qayyimul Jawziyya, le responsable de l'école Al-Jawziyya. Il a donc pris de lui la science. Naam. Il a pris d'autres savants. Et lorsque Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala est revenu d'Égypte, il s'est accroché à lui et a appris de lui. Et Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, avant sa rencontre avec Ibn Taymiyyah, avait certains erreurs dans la méthodologie concernant la compréhension des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était une maladie qui était répandue à cette époque. Naam. Et Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, comme il le cite lui-même dans certaines de ses paroles, il a été éprouvé par cela. Naam. Le fait d'avoir un avis qui est contraire avec le Coran et la Sunna sur les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais après sa rencontre avec Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, ce dernier l'a corrigé. Et il lui a enseigné madhhab salaf. Il lui a enseigné la méthodologie des pieux prédécesseurs. C'est-à-dire de prendre le Coran, de prendre la Sunna, et de comprendre cela comme l'ont compris les compagnons, puis ceux qui les ont suivis avec excellence. Et la aqidah de Ahlus Sunnati wal Jama'a, dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, consiste à reconnaître, à croire, à affirmer tout ce par quoi Allah Azza wa Jal s'est décrit dans le Coran. Et tout ce par quoi le prophète alayhi salatu wa salam l'a décrit dans la sunna maqboula. Naam. Et on en connaît les sens. Ce sont les sens de la langue arabe. Nous les affirmons. Mais on en ignore le comment. Cela, on l'abandonne à Allah subhanahu wa ta'ala. Pareillement, ça c'est pour l'affirmation. Pour la négation, la aqidah de Ahlis Sunnati wal Jama'a, dans le domaine des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, consiste à rejeter, à infirmer tous les défauts et toutes les imperfections concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Et on rejette tout ce qu'Allah a rejeté dans le Coran. On rejette également tout ce que le prophète alayhi salatu wa salam a rejeté dans la Sunna. Mais on ne rejette pas ce qui a été affirmé. On ne rejette pas ce qui a été affirmé. À titre d'exemple, nous affirmons pour Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est affirmé dans le Coran. Il nous dit par exemple, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Donc on affirme parmi les noms d'Allah, Allah, ahad, as-samad. On affirme parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal al-Uluhiyya, al-Ahadiyya, al-Samadiyya. Ça c'est pour les noms et pour certains attributs. Mais aussi on rejette les défauts et on rejette les imperfections et on rejette ce qu'Allah a rejeté lui-même. Comme Lam Yalid, comme Lam Yulad, comme Lam Yakul Lahu Kufuwan. Donc on rejette pour Allah Azza wa Jal l'enfant, on rejette pour Allah les parents. On rejette Al-Kuf Al-Mukafi. Naam. Ce qu'Allah a rejeté. Comme dans Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. On rejette pour Allah Al-Sina. La somnolence. Muqaddimatun nawm. On rejette pour Allah Al-Nawm. Le sommeil. Donc ce qu'Allah a affirmé, nous l'affirmons. On connaît le sens et le sens de la langue arabe. Naam, on n'altère pas le sens, on ne renie pas le sens. On l'affirme comme cela est venu. Dans le Coran ou la Sunna maqboula. Et ce qui a été rejeté, on le rejette. C'est une imperfection pour Allah Azza wa Jal. C'est un défaut pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous basant sur la règle, le verset du Coran, Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui soit semblable. Et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Il n'y a rien qui lui soit semblable. C'est lui l'audient, le clairvoyant. Voici la base de Ahl Sunnah wal Jama'ah, la négation et l'affirmation, et le fait de ne pas rechercher le comment d'Allah subhanahu wa ta'ala, car seul lui, tabaraka wa ta'ala, connaît cela. Ibn Taymiyyah a donc éduqué son élève, Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, sur cette bonne croyance. Sur cette bonne croyance. Et c'est devenu un imam de l'islam dans ce domaine et dans beaucoup d'autres. Il est donc resté avec lui jusqu'à Mada. Il est resté avec lui de son retour à Misr, qui a eu lieu en 712, en l'an 712, et cela jusqu'au décès d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, donc pendant 16 ou 17 années consécutives. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, parmi ses voyages, il a voyagé à Mecca. Et dans plusieurs de ses livres, on trouve des passages où il nous parle de ses moments à Mecca. Sa première activité, al-Hajj. Hajja kathiran. Il a beaucoup de fois fait le Hajj. Nas'alullah min fadlih. On demande à Allah Azza wa Jal de sa grâce afin qu'il nous permette à nous également de faire beaucoup de fois le Hajj sur la Sunna en conformité. Ou plutôt sincèrement en conformité avec la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala nous dit que Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala a effectué le pèlerinage de nombreuses fois. De nombreuses fois. Wajawara Mekkata muddatan. Et il nous dit qu'il a séjourné à Mecca et en périphérie de Mecca, un certain temps. Et que les gens de Mecca le mentionnaient en bien. Et ils décrivaient de lui, Shiddat al-Ibad. Ils disaient que c'était une personne qui faisait beaucoup d'adoration, qui était forte dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens de Mecca le décrivaient en disant, Kathir al-Tawaf. Il faisait beaucoup de tawaf. Il faisait beaucoup de tawaf. Ils disent amran yuta'ajjabu min. Ils disent dans le tawaf, c'était une personne de qui on s'étonnait. Yani tellement il faisait des tawaf. Et Ibn Qayyim lui-même nous disait que par moments il tombait malade. Par moments il tombait malade et il n'avait plus de force, il ne pouvait plus bouger pour le tawaf. Rahimahullahu ta'ala. Parmi ses actions à Mecca, un des livres qu'il a écrit, qui est considéré par les savants de l'islam comme l'un de ses meilleurs livres, et comme l'un des meilleurs livres écrits dans le domaine. Et comme le meilleur livre écrit dans le domaine. Naam, et comme le meilleur livre écrit dans, ou bien comme un des meilleurs livres écrits dans le domaine. C'est Miftah Udari Sa'ada. Miftah Udari Sa'ada. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala l'a écrit durant son voyage à Mecca. Naam, l'a écrit durant son voyage à Mecca. Et il nous dit de belles paroles dans l'introduction de ce livre. Et il nous mentionne plusieurs choses qui lui sont arrivées à Mecca. Il dit à la fin de l'introduction de Miftah Udar al-Sa'ada, وَكَانَ هَذَا مِنْ بَعْضِ النُّزُولِ وَالتُّحَفِ الَّتِي فَتَحَ اللَّهُ بِهَا عَلَيَّ حِينَ انْقِطَاعِي إِلَيْهِ عِنْدَ بَيْتِهِ وَإِلْقَائِي نَفْسِي بِبَابِهِ مِسْكِينًا ذَلِيلًا. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, et ceci est une, yani ceci fait partie des trésors qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a ouvert lorsque je me suis arrêté auprès de lui, auprès de sa noble demeure, yani al-Masjid al-Haram, près de sa maison, et que j'ai jeté ma personne au pas de sa porte, un pauvre, indigent, humilié. Puis il dit, j'espérais être touché par ses bénédictions ou par ses bienfaits et ses grâces dans sa maison, c'est-à-dire al-Masjid al-Haram. Et je venais, c'est-à-dire au Masjid al-Haram, bukraten wa asila, le matin et le soir. Puis il dit, فَمَا خَابَ مَنْ أَنْزَلَ بِي حَوَائِجَهُ وَعَلَّقَ بِهِ آمَالَهُ. Et il dit, et jamais ne sera perdant celui qui fait descendre ses besoins, celui qui porte l'ensemble de ses besoins à Allah. Et qui rattache tous ses espoirs à lui. وَأَصْبَحَ بِبَابِهِ مُقِيمًا. Et il dit, et celui qui, yani jamais il ne sera perdant, également celui qui habite le pas de sa porte. Yani il fait, il vient à Mecca, il fait des adorations, il invoque Allah, il demande à Allah. Jamais celui-ci ne sera perdant. Alors qu'il a rattaché tous ses espoirs à Allah. Alors qu'il est venu à la Kaaba pour adorer Allah. Subhanahu wa ta'ala. Parmi ce qu'il a cité, rahimahullah ta'ala, donc je cite les événements relatifs à son séjour à Mecca, il dit, وَلَقَدْ أَصَابَنِي أَيَّامُ مَقَامِي بِمَكَّةِ أَسْقَامٌ مُخْتَلِفَةٌ وَلَا طَبِيبًا هُنَاكَ وَلَا أَدْوِيَةٌ كَمَا فِي غَيْرِهَا مِنَ الْمُدُونِ فَكُنْتُ أَسْتَشْفِي بِالْعَسَلِ وَمَاءِ زَمْزَمْ وَرَأَيْتُ فِيهَا مِنَ الشِّفَاءِ أَمْرًا عَجِيبًا. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, et j'ai été touché lors de mon séjour à Mecca par différentes maladies. Et il n'y avait pas de médecin ni de médicaments. À Mecca comme ailleurs, dans d'autres villes. Alors je recherchais la guérison en utilisant le miel et l'eau de Zamzam. En utilisant le miel et l'eau de Zamzam. Et j'ai trouvé dans cela, comme guérison, une chose vraiment très étonnante. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal lui a facilité souvent la guérison de nombreuses maladies en se soignant avec le miel et le fait de boire de l'eau de Zamzam. Dans Madarij as-Salikin, il nous cite une autre chose, il nous dit concernant Ar-Ruqya. Il nous dit concernant Ar-Ruqya. Il nous dit, il était touché par des douleurs, il était touché par différentes maladies qui le dérangeaient à un point qu'il ne pouvait plus bouger. À un point où il ne pouvait plus bouger. Et il nous dit, وَذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ الطَّوَافِ. Et yani même durant son tawaf, la circumambulation autour de la Kaaba, et dans d'autres endroits. Il dit, فَأُبَادِرُ إِلَى قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ. Il dit, je m'empressais de lire Sourate al-Fatiha, donc il se faisait ruqya. Et il passait sa main où il avait mal. Et il nous dit, c'est comme si les choses tombaient de moi. Yani Allah Azza wa Jal le guérissait rapidement lorsqu'il se faisait ruqya avec al-Fatiha. Dans un autre passage, il nous dit, فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء. Il dit qu'en faisant cela, il prenait de l'eau de Zamzam et récitait le Coran, il la buvait et il se faisait ruqya. Il dit, j'ai trouvé comme utilité, comme force, ce que je n'avais pas l'habitude de trouver en utilisant des médicaments. Mais il attire notre attention sur un point important. Il dit walakin bihasabi quwwatil iman. Ça, c'est proportionnellement, yani l'effet sera selon la force de la foi de la personne. Selon la force de la foi de la personne. Wasihatil yaqin, et l'authenticité de sa certitude. Wallahul musta'an. Et dans Miftah Udar al-Sa'ada, il nous raconte une histoire. C'est la perte pendant le Hajj de l'un de ses enfants, son fils. Personne ne peut imaginer l'épreuve que c'est, sauf celui ou celle qui a déjà vécu cette épreuve. Non. Au Hajj, les adultes, lorsqu'ils perdent leurs camarades, ils ont peur. Les adultes, lorsqu'ils se perdent, ils ont peur. Est-ce qu'on peut imaginer l'affliction de la personne qui perd un petit garçon au Hajj, avec le monde qu'il y a? Dans Miftah Udar al-Sa'ada, il nous raconte cette épreuve. Dans un passage où il nous parle de al-fa'al, l'optimisme. L'optimisme et le fait d'avoir une excellente opinion d'Allah Azza wa Jal, quelle que soit la situation. Il dit أخبرك عن نفسي بقضية من ذلك وهي أني أضللت بعض أولادي يوم التروية بمكة وكان طفلا. Il dit je vais te parler de moi, de ma propre personne et d'une affaire personnelle qui m'est arrivée, c'est que j'ai perdu certains de mes enfants. Yom al-Tarwiyah. Yom al-Tarwiyah, c'est le huitième jour lorsque le pèlerinage commence, le huitième jour de Dhul Hijjah. Il dit c'était un petit garçon. Alors j'ai tout fait pour le retrouver et je criais ici et là à sa recherche. Dans chaque endroit. Il dit, et allez jusqu'au soir, Faistoumin. Il dit jusqu'à ce que j'ai désespéré. Naam, jusqu'à avoir désespéré. Faqala li insan inna hadha ajz. Un homme m'a dit, c'est une incapacité. Yani c'est une faiblesse de ta part d'arrêter. Naam. Alors Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala puis lui a dit irkab wa adkhul al'an ila Makkah fatlubuhu. Et il lui a dit monte sur ta monture et va à Mecca à cette heure-ci et cherche-le. Il dit farakibtu farasan. Il dit je suis donc monté sur ma monture, sur mon cheval. Fama huwa illa istaqbaltu jama'atan yatahaddathuna fi sawadi al-layl fi at-tariq wa ahaduhum yaqul dha'a li shay'un falaqitu fala adri inqida' al-kalimati asra' am wujdan at-tifl ma'a ba'd ahli Makkah fi mahallatin 'araftuhu bi sawti. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit je suis donc monté sur mon cheval et j'ai avancé à sa recherche. C'est alors que j'ai rencontré un groupe qui parlait dans la nuit, dans la noirceur, dans la pénombre de la nuit, en chemin, et j'ai entendu l'un d'eux dire, j'ai perdu une chose, et je l'ai retrouvée. J'ai perdu une chose, et je l'ai retrouvée. Et je ne sais pas quelle fut la chose la plus rapide. Qu'il finisse sa parole, ou bien que je retrouve mon fils. J'ai donc retrouvé mon fils, dans un groupe, avec des gens de Mecca, je l'ai reconnu, j'ai pu le reconnaître à sa voix. J'ai pu le reconnaître à sa voix. Rahimahullahu ta'ala. Ça, c'est une des choses qui lui est arrivée donc à Mecca lors d'un pèlerinage. Ils faisaient donc le Hajj et ils y emmenaient leurs enfants. Parmi les choses très étonnantes d'Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, c'est que tu trouves des merveilles parmi ses livres et tu lis qu'il a écrit ce livre en voyage. Et il demande au lecteur de l'excuser de la faiblesse de ce qu'il pourra y trouver parce qu'il était loin de sa bibliothèque et loin de ses livres. Allahu Akbar. Il écrit parmi les meilleurs livres au monde, les plus bénéfiques. Naam. À un point où les savants ont dit, ses ennemis et ses amis recherchaient ses livres. Ceux qui étaient d'accord avec lui et ceux qui ne l'étaient pas, tout le monde cherchait les livres, à s'accaparer les livres d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Malgré ça, il écrit un livre, puis il s'excuse au lecteur. Il dit, j'étais très loin de chez moi, je n'avais pas de livre, je n'avais pas ma bibliothèque, donc je n'ai pas pu réviser mes sources. Mais tout cela est le bienfait d'Allah Azzawajal que je portais en moi, c'est-à-dire que je mémorisais par cœur. Et parmi ses plus gros livres, et ses livres les plus bénéfiques, il les a écrits en voyage, comme Zad ul Ma'ad. Comme Zad ul Ma'ad. Il l'a écrit alors qu'il était en voyage, sans source, mais tout cela de sa mémorisation. Alors qu'il a cité énormément de hadith, il a cité énormément de questions religieuses, rahmatullahi alayhi. Donc il avait une excellente mémorisation et c'était un puits de science, rahimahullahu ta'ala. Par exemple, Miftahu Dari Sa'ada, wa manshur alwiyati al-ilm wal irada, il l'a écrit en voyage. Rawdatul Muhibbin, il l'a écrit en voyage, rahimahullahu ta'ala. Wa nuzhatu al-mushtaqin. Zadul Ma'ad, fi hadi khayr al-ibad, il l'a également écrit en voyage, rahimahullahu ta'ala. Bada'i'ul Fawaid, il l'a également écrit en voyage, rahimahullahu ta'ala. Tahdhib Sunani Abi Daoud. Ça, c'est une chose étonnante. Un livre de hadith, il l'a résumé également en voyage. Donc, il mémorisait énormément de livres, rahmatullahi alayhi. Et d'autres livres encore. Ibn Qayyim, rahimahullahu ta'ala, a été décrit par les savants de son époque et ses élèves comme étant un homme qui aime énormément les livres. Il a réussi à réunir comme livre ce que peu de personnes ont réussi à réunir. À un point tel qu'après son décès, ses enfants ont vendu certains de ses livres et en ont gardé une part, rahimahullahu ta'ala. Et parmi les choses qui montrent son attachement pour les livres, et sa maîtrise des différents livres de science, c'est que lorsqu'il écrivait et lorsqu'il analysait certaines questions religieuses, il nous dit par moments, et j'ai révisé 100 livres pour le tafsir de ce verset. Et j'ai révisé 100 livres pour arriver à la conclusion de telle question religieuse et la réponse à telle question religieuse. Donc il avait énormément de livres, il aimait énormément de livres, mais il avait une science incommensurable de ces différents livres de science. Par exemple, lorsqu'il a réfuté Al-Mu'attila, ce qui dénature Allah subhanahu wa ta'ala des sens de ses noms ou bien de ses attributs, na'am, ce qui rejette carrément pour certains comme Al-Jahmiyya, les noms, les attributs d'Allah Azza wa Jal, Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, il réfutait souvent les gens du faux. À leur tête, les gens de l'innovation. Il a donc beaucoup écrit dans ce domaine, comme la question de l'istiwa al-arsh, l'élévation d'Allah Azzawajal au-dessus de son trône, wa'ulullah subhanahu wa ta'ala, et l'élévation d'Allah Azzawajal au-dessus de ses créatures. Quand il a écrit dans ce sujet, il dit, et je vous ai transcrit des textes, je vous ai retranscrit ici des textes, des compagnons, et de ceux qui sont venus après eux, de 100 livres ou plus encore. De 100 livres ou plus encore. Et c'est celui qui a dit, je connais, ou bien il y a plus de 1000 preuves que Allah Azza wa Jal est élevé. De l'affirmation de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de ses créatures. Pourquoi? Parce que les gens de l'innovation, na'am, et d'autres, disaient qu'Allah Azza wa Jal n'est pas au-dessus des cieux. Il n'est pas au-dessus de son trône. Et ça, c'est une parole des plus déplacés à l'égard du Seigneur des mondes. C'est une parole qui vient à l'encontre du Coran, qui vient à l'encontre de la Sunna. Na'am. Car Allah dans le Coran nous enseigne cela. Qu'il est élevé au-dessus de son trône tout particulièrement, et qu'il est élevé au-dessus de l'ensemble de ses créatures. Lorsqu'il nous dit, Tabaraka wa ta'ala, amintum man fis sama, am amintum man fis sama, ou bien, ilayhi yas'adu al-kalimu al-tayyib wa al-amalu al-salihu yarfa'u, ou bien, tanzilun. Tous les textes, tous les versets qui nous disent que le Coran a été révélé, a été descendu, ça nous montre qu'Allah Azza wa Jal est élevé. Ilayhi yas'adul kalimu, vers lui remonte la bonne parole, ça nous montre qu'Allah est élevé. Êtes-vous à l'abri de celui qui se trouve au-dessus des cieux? Ça nous montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est élevé. Et dans cet endroit du Coran, il nous dit, Ar-Rahmanu al-Arshistawa, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône et le prophète alayhi salatu wassalam a reçu la visite d'une servante, Naam, et il lui a posé comme question, Aïn Allah? Elle a répondu, Fis Sama, où est Allah? Elle a dit, dans l'élévation, ou bien au-dessus des cieux. Puis il lui a dit, Man Ana? Elle a dit, Anta Rasulullah, tu es le message d'Allah. Puis le prophète sallam a acquiescé de la vérité, de la véracité de ses propos. Naam. Donc il ne fait aucun doute sur cette croyance qu'on doit avoir. Cette chose qu'on doit savoir, c'est qu'Allah Azza wa Jal est élevé en dehors de la création, au-dessus de la créature la plus haute, la plus élevée, qui est le toit de la création, qui est Al-Arsh. Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus de l'ensemble de ses créatures. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala a écrit, en revenant à plus de 100 livres rahimahullahu ta'ala, comme c'est le cas dans Ijtima' al-Juyush al-Islamiyya, à la Razwi al-Mu'attila al-Jahmiyya. Naam. Quant à ses activités, le point suivant, A'maluhu. Là, c'était combien de points? Ça, c'est le septième point. Ça y est. Sabi'an, A'maluhu. Donc, le septième point, c'est différentes activités. On a bien compris qu'il était versé dans la science. Et qu'il donnait la plupart de son temps, il mettait la plupart de son temps dans la science. Toutes ses activités avaient un rapport avec la science et sa mise en pratique. Toutes ses activités avaient un rapport avec la science et sa mise en pratique. Le premier point qu'on cite, Kana Imaman, c'était l'imam de la madrasa al-Jawziya, wa khatibuha. C'était celui qui faisait l'imam et c'était un de ceux qui faisait le khutbah. Il faisait l'imam et faisait le khutbah. Comme l'a cité Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, dans le Bidaya wa Nihaya. Kana mudarrisan mu'alliman mu'adjihan. C'était également un enseignant. C'était un shir, un savant. Il enseignait dans les écoles ou dans l'école et enseignait dans les masajid également. Et énormément d'étudiants et même de savants prenaient de lui la science. Et parmi les plus nobles de ses élèves, Ibn Rajab al-Hanbali, Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, l'imam al-Zahabi, il a pris de lui et lui-même a pris de l'autre, Naam, et d'autres encore. Et parmi ses activités principales, la recherche de la science. La réunion de la science, l'étude de la science, la compréhension de la science, écrire, appliquer, enseigner, c'était ses activités principales. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, lors de son décès, alors qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala était déjà une montagne de science, avant le décès d'Ibn Taymiyyah, savez-vous quel âge avait Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala lorsqu'est décédé Ibn Taymiyyah? Naam. Quel âge avait, selon à votre avis, quel âge avait Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala quand Ibn Taymiyyah est décédé? Parce que certains disent Ibn Qayyim était la photocopie d'Ibn Taymiyyah. Comme pour laisser entendre qu'il n'avait pas une véritable personnalité et qu'il ne s'est pas distingué d'Ibn Taymiyyah. Et cela a été réfuté par les savants. Naam. Malgré le fort amour qu'il lui portait, il le suivait que selon les preuves, lorsque cela lui apparaissait. Mais il se permettait de contredire son shir si la preuve, il la voyait ailleurs. Naam. Et parmi les choses qui nous montrent que ce n'est pas sa photocopie, le fait qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il est décédé, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, avait environ 37 ans. Il avait environ 37 ans, 38 ans. Naam. Il a donc vécu après cela. À cette époque, c'était déjà une personne qui avait énormément de science. Et il enseignait déjà. Et il enseignait déjà, rahimahullahu ta'ala. Donc, avant de connaître Ibn Taymiyyah, il avait de la science. Mais lorsqu'il a rencontré Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, Cela n'a fait qu'embellir la science qu'il avait. Ça l'a également corrigé. Car Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, lui a enseigné la méthodologie agréée chez Allah subhanahu wa ta'ala, celle qui est en conformité avec le Coran et la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Puis les savants se sont posé la question de savoir à quel âge Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a commencé à enseigner. Naam. Et ils ont dit ce qui apparaît, c'est qu'il a enseigné tôt. Naam. Ce qui apparaît, c'est qu'il a enseigné tôt. Pourquoi? Parce qu'Ibn Taymiyyah est décédé lorsqu'il avait, lui, 37 ans. Naam. Et avant cela, c'était déjà une personne de science. Et très tôt, il a commencé à apprendre la science de son père et autres. Donc, tout cela nous laisse à penser qu'il a enseigné très tôt. Vous n'êtes pas sans savoir que, après l'époque des compagnons, il y a eu la naissance des passions. Il y a eu la naissance des passions vers la fin de l'époque des compagnons. Comme Bid'atul Qadar, l'innovation du Qadar, le fait de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créé, Mada n'a pas créé nos actions. Ou comme le fait de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait le bien, mais le mal, ce sont les serviteurs qui le font. Ou comme le fait de dire Inna al-amra unuf, Allah azza wa jal ne connaît pas les choses si ce n'est après qu'elles se soient déroulées et passées. Naam, cette innovation est née à la fin de l'époque des compagnons. Ça, c'est la bid'a qu'on appelle al-qadar, al-qadariya. Al-qadariya tul ouel, les premiers, ça c'est de la mécréance majeure. Parce qu'ils ont renié la science d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ils ont dit qu'Allah ne connaissait pas tout avant que ça se produise. Et Abdullah ibn Omar s'est désavoué. Il s'est désavoué d'eux. Naam. Il s'est désavoué d'eux. Comme dans l'histoire du hadith Jibril. Naam. Comme dans l'histoire du hadith Jibril alayhi salam. Il y a eu d'autres innovations comme Bid'atul Khuruj, l'innovation des Khawarij, ceux qui se révoltaient contre les gouverneurs, qui les attaquaient, qui se révoltaient, naam, et qui rendaient mécréant le musulman suite aux grands péchés dans lesquels il tombait. Et il disait que celui qui commet un grand péché sort de l'islam, et s'il décède sur cela, il s'éternise en enfer. Il y a aussi la naissance de la bid'a, madha, de al-irja, le fait de dire que la foi, c'est que dans le cœur, et que les actions ne font pas partie intégrante de la foi, mais que ça ne vient que les compléter, et que la foi est une, elle ne se distingue pas, naam, et que le plus gros pervers a la foi la plus forte, tel Jibril alayhi salam, naam, comme quoi la foi elle n'augmente pas, elle descend pas, soit elle est une, tu l'as entièrement, soit tu ne l'as pas du tout. Toutes ces innovations sont nées petit à petit. Il y a eu la bid'a dans le fait de renier les attributs d'Allah azza wa jal, ou bien d'altérer leur sens réel vers un sens second, sans preuve réelle et valable. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, à son époque, une des plus grandes fitnas qu'il y avait, c'était al-ta'assub al-madhhabi. C'était le fanatisme sur un madhhab précis. Naam, c'est connu de tous qu'il y a plusieurs madhhabs depuis l'époque des pieux prédécesseurs. Naam. Si ce n'est que quatre ont eu beaucoup d'élèves qui ont travaillé le madhhab, qui l'ont écrit, qui l'ont enseigné à leur tour, qui l'ont propagé. C'est pour cela que beaucoup connaissent quatre écoles, bien qu'il y en a eu beaucoup plus. Naam. À savoir l'école de Abu Hanifa, naam, l'école de Malik, de Shafi'i, de l'imam et de Ahmed, rahmatullahi alayhim. Naam. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala était hanbali, c'est-à-dire que la méthodologie de l'étude du fiqh qu'il a appris et sur laquelle il venait sur les textes, avec laquelle il venait sur les textes, c'est la madrasa de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Et cela en soi n'est pas blâmable, si ce n'est que certaines catégories de personnes tombent dans ce qu'on appelle at-ta'assub, le fanatisme. C'est-à-dire, toute personne qui amène un avis qui est en conformité avec l'imam duquel nous nous réclamons, on considère sa parole comme étant bonne. Et toute personne qui vient avec un avis qui est autre, on considère que son avis est faux. D'accord? Ibn al-Qayyim a combattu al-taqlid wa al-tamadhub. Yani les yani khasatan les muta'assibun. Khasatan les muta'assibin. Ibn al-Qayyim a combattu le suivi aveugle et il a combattu le fanatisme des imams. Et il disait qu'il n'y a pas d'interdiction à se référer à un imam, à prendre la science d'un imam, à respecter, considérer les imams de l'islam. Mais de là à considérer que tous leurs avis sont justes et bons, parce que ce sont eux qui l'ont apporté, il disait que c'est faux et que c'est un grand mal et un grand danger pour l'islam et les musulmans. Et que l'avis adéquat et l'avis juste était de dire qu'on le juste milieu est de dire on respecte les savants, on connaît leur place, on connaît leur valeur, on les aime, on les respecte, on les mentionne en bien, on invoque Allah en leur faveur. Mais aussi, on considère qu'ils ne sont pas infaillibles. Et lorsqu'ils contredisent la vérité, on maintient leur rang, leur considération, mais on délaisse leurs paroles et on suit la vérité, le Coran et la Sunna. Ça, c'est le juste milieu. Et Ibn Qayyim s'est grandement battu pour cela. Comme c'est le cas chez les imams de l'islam. On continue après la salat. Inch'Allah, barakallahu fikoum. L'entrée des hommes et la sortie des hommes, c'est cette porte-là. C'est pas de derrière le rideau. Derrière le rideau, c'est que pour les femmes. Barakallahu fikoum. Sachez-le à l'avenir. Les hommes entrent et sortent que par cette porte-là. Barakallahu fikoum.